mon Christophe, oui. Ah, mes amis, comme tout le monde et surtout comme un con, je me prends au dernier moment pour faire mon shopping de Noël. J'ai donc été hier soir à la nocturne d'un grand magasin pour m'acquitter de mon devoir de bon camarade, de bon cousin en l'occurrence, pour trouver un cadeau pour Gunther. Alors histoire de me faire moins chier, j'avais demandé à un ami de m'accompagner. Oh le bordel, le monde qu'il y a là-dedans. J'avais le bout à la fin de l'année, c'est normal, c'est ce que les jeunes appellent le rush. Oui, mais les jeunes, c'est des cons. Ça va pas dans tout ça, moi, ça fait 2 heures que je tourne en rond, sans trouver quoi que ce soit pour mon Gunther. Ah, j'en peux plus. 2 secondes, Valérie. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, Helmut? Oh, poussez pas en arrière, là, hein. Bah, Helmut, vous êtes en train d'uriner au rayon des jouets. Oui, ben, j'en peux plus, excuse-moi, Valérie. Bon, comme disent les jeunes, vous êtes dingo. Mais disent plus ça, les jeunes, Valérie. Ah bon, disent quoi, là? Mais je sais pas, ils disent, t'as cramé ta vulve, des trucs comme ça. J'ai jamais entendu ça. Mais ils le disent tous. Ah, Helmut, je crois que vous devriez en profiter. Je vois une assistante de magasin qui a l'air bien seule. À lui demander de l'aide. Oh, t'as raison, le mouflon, j'y vais. Excusez-moi, mais je suis en pause. Non, mais c'est juste pour... Je vous dis que je suis en pause, dégagez. Écoute-moi, terrine de couille. Si t'es en pause et que t'as pas envie qu'on te dérange, tu restes pas dans le magasin. Allez vous faire foutre, bordel, je suis en pause. Très bien. Tu l'auras voulu. Ah. D'où Jésus, Helmut, qu'est-ce que vous avez fait avec cette pauvre fille? Oh, rien de méchant, hein. Je vais montrer une photo de Gunther au réveil. À propos de Gunther, vous avez pensé à quelque chose? Ah non, mais maintenant que t'en parles, là, c'est à ce rayon, là, je vois des trucs. Ah ben, je viens d'avoir une super idée. Tiens ça. Merde. Comment ça marche? Voilà! Bon, ça va être parfait, ce truc-là. Je savais pas que votre cousin Gunther possédait des propriétés avec des armes. Non, il a pas d'armes, mon Gunther. Il a juste des ongles de pied difficiles à couper. En plus, avec cet engin, il pourra se faire la moustache et les sourcils. Oh, comme disent les jeunes, Helmut, vous déchirez. Et voilà mon cri-cri. Il me reste plus à 80 cadeaux pour Zouzou, pour Madame Pedrosa, et pour vous, bien sûr, oh. Mon ami. Allez, au revoir, j'ai un petit film à aller regarder, moi.